Guimozo, comment vas-tu en ce magnifique lundi 22 février? Je suis Lia et je t'accompagne durant une heure dans cette émission L'Odeur du Son. Tu nous écoutes sur le 107 FM et tu peux également nous écouter depuis ton ordi, ta tablette, ton téléphone. C'est bon. Depuis les applis gratuites Radio Line ou Orange Radio, passe le message. En parlant de passer le message, eh bien si jamais tu as envie de, je ne sais pas moi, faire un coucou, une déclaration, bon, on ne prend que les déclarations d'amour, je précise. Poser une question à nos invités, à mon invité, etc., etc. Eh bien, tu peux m'appeler au 03 29 62 40 40. Allez, cesse de bavardage. Bon, non, c'est pas possible, ça, je peux pas. Quel est le programme aujourd'hui, auditeur? Eh bien, j'ai t'ai concocté plein de choses dans cette émission. Tu y retrouveras aujourd'hui des infos locales, mes disques chouchous spécialement chinés pour toi durant ce week-end. Anne-Sophie mettra à nouveau les pieds dans le plat. Et bien sûr, eh bien, je ne suis pas seule en studio, non, je suis même très très bien accompagnée. Il est temps d'accueillir mon invitée, Mélissa, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci, et vous? Eh ben, ça va super. Merci beaucoup d'être présente dans nos studios et dans cette émission. Alors, tu devais être accompagnée de Nadège, présidente du comité Élégance Lorraine, mais elle n'a pas pu venir, donc on va faire ça ensemble, toutes les deux. Ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, pas de souci. T'as l'air à l'aise, en tout cas. Ça va. tu te débrouilles. Donc Mélissa, tu es Miss Élégance Lorraine 2020. Alors tu viens de me dire en plus qu'il y a un an, jour pour jour, tu avais été élue Miss Élégance Vosges. Félicitations. C'est ça. Merci. Voilà. Est-ce qu'on peut planter un petit peu le décor ensemble? Est-ce que tu sais depuis quand existe le comité, toi? Non, pas du tout. Eh ben, ça tant pis. Deux ans, je dirais. Ok, d'accord. Je vais passer directement à tes questions. Tu es donc Miss Élégance Lorraine 2020. Quand est-ce que s'est fait ta rencontre avec ce comité? Alors, c'était il y a un an. En fait, je connaissais pas du tout le milieu des Miss. Et en fait, c'est Nadège qui m'a contactée. Donc, c'était en janvier 2020. Et elle m'a demandé si ça me dirait, en fait, de participer à l'élection Miss Élégance Vosges. Donc, c'est vrai que pour le coup, j'étais un petit peu hésitante parce que je connaissais pas du tout ce milieu. Et bon, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Et c'est vrai que j'ai pu compter sur le soutien de mes proches qui m'ont beaucoup encouragée à le faire. Ils m'ont dit, lance-toi, t'as rien à perdre. Donc, je me suis entraînée à marcher avec des talons, les chorégraphies. Et j'ai été élue, donc, le 22 février 2020, Miss Élégance Vosges. Et ça m'a qualifiée, en fait, pour Miss Élégance Lorraine, donc, le 17 octobre 2020. Et comment ça s'est qu'elle t'a contactée, Nadège? Vous connaissiez déjà avant? Non, pas du tout, via les réseaux sociaux. En fait, elle a vu mon profil et voilà, ça s'est fait comme ça. Tu t'es fait repérer, quoi? Apparemment. C'est la classe, ça. Alors, du coup, t'as appris à marcher avec des talons, parce que c'était pas trop ton truc? Non, c'était vraiment, j'en mettais pas du tout. J'ai dû acheter une paire d'escarpins exprès pour l'occasion. Donc, c'est vrai que, puis la danse, tout ça, c'était vraiment pas fait pour moi, quoi. Ok, d'accord. Donc, justement, moi, ça m'intéresse un petit peu parce qu'on a tous un peu nos critères de beauté. Les concours de beauté, c'est plus ou moins décrié par moment parce qu'on stigmatise un peu l'image de la femme. Waouh, désolée pour le bruit, auditeur. Quelle perception t'avais de la beauté avant ce concours? Est-ce que ça a changé les choses depuis pour toi? Bah c'est vrai qu'en tant que petite fille, on rêve toutes de porter des belles robes, tout ça, c'est un rêve en quelque sorte. Mais je pensais pas du tout en fait pouvoir faire ça un jour. Donc bah quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés, mais au final, on fait ça parce qu'on en a envie. Donc voilà. Puis je pense que la beauté, c'est avant tout intérieur. Donc. Mais est-ce que justement, tu penses que à travers ces concours, on peut vraiment juger de la beauté intérieure de la personne qui se présente? Est-ce que t'as eu l'impression que ce concours, il était global sur toute ta personne, ou est-ce que ça s'arrêtait vraiment à ton physique? Bah, je pense que oui, parce qu'il y a quand même un discours. Après, c'est vrai que l'élection, que ça soit Vosges ou Lorraine, ça se fait sur une soirée en quelque sorte. Mais par exemple, là, pour l'élection Miss Élégance France, on est amené à une semaine de préparation. Donc là, on va vraiment être jugé en fait sur notre personnalité, comment on se comporte en société, etc. Donc ça se joue pas que sur le physique. Ok. Est-ce que ça a changé du coup les choses avec ta propre image, avec toi-même, je veux dire? Est-ce que tu t'es vue sous un autre jour? Bah oui, vraiment, parce que c'est vrai que l'élégance, je fais du sport, en fait, je fais du ping-pong, j'ai toujours été dans un milieu assez masculin, donc là j'ai vraiment pris sur moi pour voilà être élégante, et c'est vrai que niveau confiance, ça donne un peu plus confiance en soi, et je sais que ma maman par exemple, elle m'a dit je t'ai pas reconnue le soir-là, j'ai vraiment été bluffée, donc c'est le genre de choses qui font plaisir, quoi. Bah oui, c'est sûr, j'imagine. En tout cas, auditeur, tu loupes quelque chose car tu es très jolie, Mélissa. Je tenais à te dire. Merci beaucoup. Et c'est vraiment unanime ici au studio, on le pense tous. Avant d'aller plus loin dans les profondeurs des sujets avec mon invité d'aujourd'hui, eh bien j'ai trop envie de te sortir, auditeur, mes premiers disques chouchou. Il s'agit de Big Pig et leur titre Switch, un son qui te met une patate d'enfer. Après voilà, s'en suivra Alligator et leur titre psychédélique Rafale. À tout de suite sur Radio Guimauzo. J'espère que ça te plaira, Mélissa. Tu me diras ce que t'en penses de cette playlist. Allez, à tout de suite. Alligator, Rafale sur Radio Guémozo. Est-ce que ça t'a plu, les petits sons là que j'ai passés? Super. Bon, bah voilà. Ouf, tant mieux, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, auditeur, de ta présence et de ta fidélité. C'est le moment d'ouvrir tous tes sens. Tu es bien dans l'odeur du son sur Radio Guémozo. Je te passe une petite info en passant. L'association Agir Ensemble étant un peu au repos, c'est le cas de le dire, et ne pouvant pas organiser son quatrième tremplin à Frisson, elle a proposé au café culturel L'Appartement d'y faire un concert live sur Facebook avec le partenariat d'autres bars spinaliens. Et oui, la solidarité, la culture et les lieux de vie se rejoignent pour leur plus grand plaisir et le vôtre, on l'espère, nous disent-ils. Un concert enregistré en situation de live dans les meilleures conditions possibles pour la qualité, mais sanitairement aussi, hein, oblige. C'est le groupe G.S d'Épinal qui se produira à 20h à l'appartement Café Culturel d'Épinal. Ce groupe a remporté le tremplin à Frisson en 2020, juste avant le premier confinement, et n'a donc pas pu se produire au 13e Festival Solidaire à Frisson prévu en mai 2020. Une cagnotte sera mise en lien sur l'événement Facebook ou en direct le soir même. Vous pouvez également communiquer avec l'association et le groupe durant le concert. Retrouvez cet événement sur Facebook de l'association Agir Ensemble. Voilà. Est-ce que tu en regardes, toi, des lives sur les réseaux? Bah, pas trop, non. Non. Non, ça me... Moi, je regarderai. Bah voilà, c'est le cas de... Voilà. Du coup, la perche est un petit peu tendue. Comment ça se passe, les élections en ce moment-là? Est-ce que c'est différent dans l'organisation? Est-ce que vous faites plus de choses à distance, par exemple? Je sais pas. Bah là, c'est un petit peu à l'arrêt. En fait, l'élection, ça devait être le 13 février, Miss Élégance France, ouais, donc à Dax. Donc, ça a été reporté à une date qu'on connaît pas encore, malheureusement. Bah, d'après ce qu'on sait, ça devrait être fin avril si tout se passe bien. D'accord. Donc en attendant, on a fait un visio en fait avec les autres miss et le président du comité, donc pour apprendre à se connaître, donc c'était sympa. Comment, vous êtes combien de candidates là? Les 20. 20. Oui. D'accord. OK. Donc du coup de toute la France? C'est ça. Pas chaque région? Voilà, c'est ça. OK. Comment ça s'est passé ce concours pour toi, de ta date d'inscription à ton élection? On veut tout savoir, nous. C'est quoi les différentes étapes? Bah, c'est un peu ça. Donc, j'ai été contactée pour Miss Élégance Vosges. Donc, tous les dimanches matin, on avait des répétitions. D'accord. Donc, pour les chorés. Et donc, quand j'ai remporté l'élection Miss Élégance Vosges, ça m'a qualifiée pour Miss Élégance Lorraine. Donc là, c'était un petit peu différent. Donc, à cause du Covid, on pouvait pas s'entraîner tous ensemble. Ouais. Donc, les chorégraphies étaient filmées. On devait répéter depuis chez nous. Et donc, le vendredi, la veille au soir, en fait, de l'élection, on s'est entraîné tout ensemble. Et le samedi, en fait, toute la journée. Ok. Est-ce que durant l'élection, enfin en tout cas avant d'être élu, il y a des challenges, des choses à faire pour cette élection, des choses à préparer autres qu'un défilé? Bah non, pas vraiment. Juste un discours. Je sais qu'il y a certaines élections, il y a un concours du talent, notamment pour Miss Élégance France, il y aura voilà concours du talent. Mais pour les élections voilà départementales et régionales, non, c'est des tableaux en fait avec des chorégraphies, des tenues et donc il y a maillot de bain aussi et un discours. Ça doit pas être facile de défiler en maillot de bain. Bah c'est ce que j'appréhendais le plus. C'est vrai que le maillot de bain, après c'est un maillot de bain une pièce, donc ça va encore. Mais Lorraine c'était quand même mieux parce qu'on a donc défilé sur la scène, alors qu'à Miss Élégance Vosges, on a vraiment défilé dans le public en fait. Donc c'était un petit peu gênant. Particulier, oui, c'est clair. Alors dans quel lieu ça s'est passé pour l'élection Vosges et Lorraine? Alors Vosges c'était à Corsieux, ouais, et Lorraine c'était à Dieulouard. Ok, d'accord. Il y avait qui comme jury? Donc en général c'est des maquilleuses, il y a le maire de la ville qui est présent. D'accord. Et voilà, il y avait des dames du milieu de la beauté, donc des indépendantes, des maquilleuses et voilà. Ok, est-ce que tu connaissais d'autres candidates? Oui, en fait ça m'a rassurée quand je me suis inscrite. Il y avait Pauline en fait Ballant, c'est ma première dauphine. J'étais avec elle en fait en primaire et c'est vrai qu'elle depuis qu'elle est jeune, c'est vraiment son milieu, elle adore vraiment ça. Donc quand je l'ai vue, bah ça m'a rassurée, on s'entraînait un petit peu ensemble et tout, donc c'était super, sympa. Super. Ça a dû être du coup être différent pour Lorraine de pas pouvoir vous voir tout ensemble parce que j'imagine qu'il y a une vraie cohésion qui naît quand on se retrouve, quand on partage cette expérience. Oui, voilà, c'est ça, c'est des belles rencontres et au final on se soutient toutes dans notre stress, on est toutes là pour la même chose, donc c'est pas mal, c'est beau. Du coup, pendant cette élection, il y avait des défilés en tenue. Est-ce que c'est toi qui les choisissais, ces tenues? Est-ce qu'elles ont été faites donc, pour en ce fait, jour? Donc en fait, à Miss Élégance Vosges, j'avais des partenariats, donc la boutique Marité, donc à Gérardmer, qui nous ont prêté des tenues, et Griffe d'Or à Épinal, je crois, pour les maillots de bain. D'accord. Et sinon aussi le partenariat Ma Précieuse pour Hervé Mariage, je crois, à Saint-Dié, c'était pour les robes de mariée. Donc wow. C'est vrai que c'était ma principale motivation, la robe de mariée au début, parce que c'est vraiment super de pouvoir en porter une. Et donc pour Lorraine, c'était un petit peu différent, vu des conditions sanitaires, c'était beaucoup plus nos tenues. Donc il y avait une tenue coup de cœur, donc moi j'ai choisi de prendre la robe de mariée de ma maman, donc toujours la robe de mariée. C'est chouette ça. Ouais, elle était émue, ça lui a fait plaisir. Du coup, c'est vraiment toi qui es libre de ce choix-là, de choisir tes tenues ? Non, pour toutes les autres tenues, c'est imposé. Par exemple, il y avait une tenue, c'était leggings noirs, débardeurs noirs. Ensuite, pour la première, c'était, il y avait des jupes. Mais donc, ils nous disent un peu ce qu'ils veulent et après, on essaye de faire avec ce qu'on a, quoi. Ok, d'accord. Donc, tu défiles, il y a des chorégraphies. C'est ça. Donc, il y a robe de soirée aussi, j'avais oublié. C'était nous qui les fournissions. Et donc, oui, des chorégraphies. Donc, ça va, c'est pas trop, trop dur le niveau. Et après, des défilés. Et qui t'entraîne à la chorégraphie ? Alors la première c'était la fille de Nadège, Eden Martin, et la deuxième c'est la elle est dans le comité Miss Élégance Meurthe et Moselle, c'est Amandine Gilson. D'accord. Elle est déléguée. J'imagine que la chorégraphie elle se fait en talons ? Oui, la plupart à part deux qui étaient en basket, mais sinon la plupart en talons. C'était pas compliqué ? Bah ça va, il faut s'entraîner quoi. En plus de tout retenir, parce que s'il y a plusieurs chorégraphies, ça doit être avec le stress du moment, ça doit être. Bah c'est vrai que c'est ce que j'appréhendais le plus. Et puis quand on monte sur scène, on a l'impression d'avoir tout oublié. Mais avec la musique, ça revient vite. Et comme on les a vraiment refait souvent, bah ça va. Puis à les autres, si on est perdu. Oui. Tu regardes à droite, à gauche, au voilà. Pied, tu te mets derrière. Est-ce qu'il y a un petit discours, quelque chose ? Oui, il y a eu un discours donc pour les deux, Miss Élégance Vosges et Miss Élégance Lorraine. Donc voilà, on doit se présenter. Pour Miss Élégance Vosges, on avait dû choisir une cause. Donc la présenter, pourquoi on avait choisi ça. Et en fin de compte, en une minute, on doit un petit peu résumer qui on est. Et... En combien ? Voilà, une minute, c'est à peu près. Ah oui, c'est rapide. Oui, ça passe vite au final. Ok. Et du coup, c'était quoi ta présentation ? Tiens. Moi, voilà, je m'appelle Mélissa Stark, j'ai 21 ans, je suis étudiante en deuxième année de droit. Ah oui? Oui, à Épinal. Et je fais du ping-pong, en fait, depuis 4-5 ans maintenant. Et donc, c'est mon papa qui m'a transmis cette passion, parce qu'il est président du club des lois. Super. Donc, c'est lui qui m'a fait rentrer là-dedans. Et la cause que j'avais choisie pour Miss Élégance Vosges, c'était les enfants malades, parce que étant moi-même atteinte d'une pathologie, j'ai pu bénéficier de soins par le passé, et c'était une cause qui me touchait particulièrement en cœur. Et actuellement, je soutiens deux assos, dont une, c'est une petite qui est malade, elle est atteinte de ciliopathie. Qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui est vraiment très rare, mais ça va toucher tous ses organes. Et donc là, par exemple, elle doit se déplacer en fauteuil roulant. Donc là, voilà, il y a des cagnottes en ligne pour justement pouvoir améliorer son quotidien. Et la deuxième, c'est une maman qui est atteinte d'un cancer, donc il faut récolter les fonds nécessaires pour qu'elle puisse avoir accès à un traitement en Allemagne, qui est très onéreux, mais il a fait ses preuves, en fait, il n'y a pas en France. Donc voilà, je les soutiens, je me sers un peu de mon titre pour faire parler d'elle. Et... C'est beau, tu fais bien de nous le dire. Du coup, est-ce que ça t'a motivé de représenter Miss Élégance Lorraine pour défendre ses causes ? Ouais, c'est vrai que oui, ça motive parce qu'on voit beaucoup les Miss comme voilà des personnes superficielles qui servent un peu à rien au final. Mais au final, on peut se servir de notre titre, de voilà pour faire véhiculer des choses et je trouve ça beau. C'est pas compliqué de cumuler les deux, les études de droit et Non, ça va parce que c'est un petit peu à l'arrêt. C'est vrai que là, j'avais un petit peu peur parce que le 13 février, ça devait tomber un peu pendant mes examens. Donc là, ça a été décalé. On verra bien, mais non, j'arrive à faire les deux. Ça me prend pas non plus beaucoup de temps, donc ça va. Du coup, je fais une parenthèse. On va s'adresser à Mélissa, l'étudiante. Comment ça se passe avec toutes ces conditions là, les études ? Bah là, je reprends enfin en présentiel, donc ça fait du bien depuis le 8, donc ça fait une semaine, deux semaines. J'ai repris en présentiel, donc la fac s'est battue pour qu'on puisse revenir, donc c'est vrai que c'est mieux parce que sinon c'était du visio. Ça doit être compliqué. Oui, à force, au début ça allait, voilà, on était contentes, on sortait pas parce qu'il faisait pas beau, donc voilà, mais à force pour continuer à rester concentrée, c'est compliqué. Est-ce que les personnes qui sont en cours avec toi savent que tu fais ces concours ? Les plus proches, oui, sinon, non. C'est vrai que j'en parle pas non plus énormément. Après, si on me suit sur les réseaux, on le sait forcément, mais... Ok, t'as été soutenue quand même, tu disais, de ta famille, mais de tes amis aussi ? Oui, j'ai vraiment... J'ai la chance d'avoir vraiment un bon entourage. J'ai des amis de Paris, en fait, c'est des amis d'enfance. Ils ont fait le trajet pour les deux élections pour venir me voir. Et oui, ma famille, mes amis, c'est vrai que j'ai de la chance là-dessus. Ça doit être impressionnant quand même de se produire sur scène si t'as jamais eu l'habitude de le faire. Bah, c'est vrai qu'en plus, je faisais de la danse étant petite et c'était, bah, j'ai arrêté pour cette raison parce que c'était trop stressant, en fait. Ouais, je pleurais avant les galas parce que je voulais pas monter sur scène. Donc, je me suis dit, dans quoi je m'embarque? Après, je me suis dit, si c'est vraiment trop un stress insupportable, je le referais pas. Et c'est vrai que finalement, bah, je stresse la première, deuxième choré. Et après, je suis vraiment contente d'être là et je me lâche. Et tu disais un truc intéressant au début, du coup, vu que Nadège n'était pas là. Tu disais, bah, c'est pas grave, ça me fera sortir de ma zone de confort. Toi, t'aimes bien sortir de ta zone de confort, du coup? Bah, j'essaye. C'est vrai que je suis quelqu'un de timide de base. On dirait pas comme ça. Ah bon? Oui. Je suis vraiment très timide quand je connais pas. Je suis réservée, tout ça. Et j'ai du mal, en fait, justement, d'être devant un public. Oui. Et ça m'aide, en fait, les élections. Ça m'a vraiment aidée. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus facile de parler à des personnes que je connais pas, tout ça. Donc, Jean, faut que tu fasses des concours de beauté. Avec moi, Jean, en studio technique, notre nouveau service civique, hein, je vous présente. Du coup, c'est quoi tes conseils pour les gens, des grands timides, comme ça, pour pouvoir dépasser ça? Bah, c'est vrai que je suis encore pas une, je suis encore, bah, ouais, tu voilà. Tu t'exprimes très bien, c'est incroyable. C'est vrai, bah, ouais. C'est gentil, ça me fait plaisir. Bah, juste quelque chose que quand on a un rêve, il faut le suivre et, c'est du travail aussi parce qu'il faut s'entraîner. Moi, je me suis entraînée pour en arriver là et il faut y croire, c'est tout. Et c'est vrai que quand je fais quelque chose, j'essaie de toujours le faire à fond jusqu'au bout et ça paye. Voilà. Super. Est-ce que t'as un, qu'est-ce qui a été le plus stressant pour toi? La chorégraphie ou de vraiment de prendre le micro et de... Ah, vraiment, les deux, c'était la première fois. En plus, on m'a dit, t'inquiète pas, on verra pas le public. Je monte à peine sur scène. On les voyait très bien, les gens du public. Donc, je me suis dit, oh là là, première chorégraphie, ça met en froid. Il y a eu un tourloupe, là, je suis pas d'accord. Ouais, c'était compliqué. Puis, en plus, on doit sourire. Donc, c'est vrai que la première chorégraphie, j'avais le sourire qui était crispé parce que mes yeux n'allaient pas avec le sourire, quoi. C'était vraiment, stressé, mais après au final je me suis lâchée, le sourire était naturel en fait, parce que pendant les répétitions j'arrivais pas à sourire, je me suis dit ça va être très dur le jour J, et non, ça venait tout seul en fait. Ça doit être quand même particulier de sourire comme ça quand on fait une chorégraphie. Bah, à force on a des crampes, hein. Fin de soirée. C'est très bon pour le cerveau de sourire, même s'il est pas naturel, il faut le savoir. Ah bah voilà. Voilà. Sabri de Strass et de Payette aujourd'hui dans les studios de Radio Guémozo. Auditeur Mélissa, eh bien c'est à nouveau le moment où je te plonge dans mes disques chouchous pour te sortir. Eh bien, Mayer Hawthorne avec son titre Healing, un son qui sent le soleil, un clip complètement improbable, hein, que je vous invite à aller regarder sur YouTube. Et s'en suivra un son cultissime, celui de Suzanne Vega pour Tom's Diner. Je pense que, tout de suite après, une fois revenu, on accueillera au téléphone notre ami Big V qui nous a fait un slam sur la beauté. Alors, Mélissa, ne t'inquiète pas, hein, c'est un petit peu trash, mais bon, c'est le contraste. C'est fait pour. On se retrouve tout de suite. Ne bougez pas. Yeah. Tom's Diner sur Radio Guémozo, c'est bien ça. Tu connais, Mélissa? Non, pas du tout, mais c'est... C'est pas vrai. C'est bien. Non. On va dire donc. C'est pas du tout. On va faire ta culture musicale, t'inquiète pas. C'est vrai que ça change ce qu'on entend sur les autres radios, donc c'est cool. Ah bah tout à fait, ça nous fait plaisir, on prend ça comme un compliment ici. J'espère que tu passes un super moment, auditeur. Mélissa, j'espère que toi aussi tu passes un bon moment. Super. Eh ben super, eh ben c'est le moment d'accueillir notre ami Big V pour son slam endiablé sur le thème de la beauté. T'as vu, je fais presque des rimes là. Ouais, c'est vrai. Putain, dis donc, il y a voilà, vache, tu m'as inspiré là, Big V. C'est wonderful, c'est wonderful. Ah, on va sortir un recueil à 4 ans bientôt. Ah bah, allez, j'ai cru que t'allais dire à 4 langues. Je me suis dit non, bah, tout de même un peu. il est que midi sur les heures de les ondes. Sur les ondes de Radio Guémozo quand même, donc comme une mesure. Comment tu vas, Big V? Eh bien, écoute, formidablement bien. Je m'en vais en vacances quérir quelques beaux mots et quelques belles lettres pour pouvoir satisfaire les oreilles les plus exigeantes lorsque je reviendrai de nouveau reprendre les ondes de Radio Guémozo. Ah ben et tu m'avais, me semble-t-il, donné des devoirs quand même comme à ton habitude, Léa. Tu es dur avec moi. Ouais, je sais. Et tu te posais des questions existentielles, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Tu te posais une question et j'ai tenté d'y répondre tant bien que mal. Je vous prierai de bien vouloir éloigner d'ores et déjà les quelques oreilles sensibles et impressionnables. Donc, Léa, tu te posais la question, qui elles sont toutes légitimes. Qu'est-ce que la beauté, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, moi, je te dirais déjà que qu'est-ce que la beauté? Quand tout est superficiel et que les belles sont michetonnables, quand dans ce monde de tarés, la beauté est une qualité remarquable, ben, être beau, ça commencerait par rentrer dans leur carcan et sourire d'un air affable. Ouais, malheureux. Hein. On écoutera tous attentivement ce que tu as à nous dire, si et seulement si tu nous fais le plus joli des sourires. Ambassadrice de beauté, oui, les misses sont vénérées. Leur présence et leurs beaux yeux sont convoités. Allez, qu'on abreuve le capital, le grand monstre et le public a besoin de ses vestales. Quant à moi, Dionysie ou Bacchanal, quand je vois ces beaux sourires, ben je rêve un peu d'orgie. Lia, est-ce que tu crois que c'est normal? Oh oui. Non, rassurez-vous, ces mesdames, non, rassurez-vous. Moi, je suis comme Jean-Pierre Foucault. J'ai déjà mon propre harem. Non, attention, moi, je vous parle d'un cheptel de rime. Croyez-moi que c'est pas pareil. Bon, elles sentent pas trop la cyprine quand je suis tout seul avec elles dans le plus simple appareil. Il y a le beau et le bon qu'on se fait avec les yeux, mais aussi celui qu'on ressent de ses oreilles. Non, Lia, toi, tu me parles de sexe déviant. Non, dans ce cas-là, c'est pas pareil. La beauté, paraît-il, c'est intérieur. Même s'il faut bien se l'avouer, moi, j'ai jamais vu Miss France en pincée pour un chômeur. Ça marche dans les Disney, ouais. Mais dans leur vrai monde, ta beauté se mesurera à ton nombre de followers. Aladdin, en vérité, s'il veut le sourire de Jasmine, faut qu'il soit Instagrammeur, faut qu'il soit dans la tendance, dans le top 3 influenceur. Non, finalement, la beauté, c'est une rose qui pousse sur un tas de décombres. C'est du lierre qui s'attache, qui s'accroche et qui se faufile sur une tombe. C'est un phare qui reluit au cœur de la nuit. C'est comme un doux vent de fraîcheur, comme un souffle de poésie. C'est le sourire d'un étranger ou le rire d'un bon ami. C'est les racines d'un rosier qui grandit et s'épanouit. C'est le pouvoir de rêver et de crier qu'on est en vie. Ouais, je pourrais chanter les louanges, les âmes libres qui veulent tutoyer les anges. La beauté, c'est voir des milliers de couleurs qui peuvent surgir de la fange. La beauté, ça se boit et ça se mange, ça se transmet et ça se chante. Et je dirais, pour conclure, je dirais que tutoyer les belles choses, c'est une quête qui sera toujours reluisante. Ainsi est la beauté. Merci, messieurs, dames. Oh ben, dis donc, quelle inspiration, on a envie de t'applaudir ici. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mélissa? Ouais, c'est beau. Ah, c'était beau. Bon, on a bien rigolé quand même aussi. Merci, Big V. Merci à tous les auditrices et auditeurs de Radio Gamozo, et puis merci à toi, Lia, aussi, et à ton invité. Ouais, et à ton invité. Avec grand plaisir, merci beaucoup pour ton investissement et puis pour toutes ces belles paroles, belles entre guillemets, tu m'as bien compris. On te souhaite un bon séjour, et puis merci, reviens merci bientôt. Bien, allez. Je reviens avec plein de rimes et plein de mots et avec de nouveaux devoirs que tu me donneras. Voilà. Gros bisous à tous les auditeurs de Radio Gamozo et restez connectés sur les bonnes ondes. Voilà, entraîne bien tes doigts. Salutations à vous et très bonne semaine. Oui. Ouais. On va travailler. Bonne semaine à vous. Ouais. Et à très vite. À très vite. Bye. Bye. Salut, Lia. Ah là là, sacré Big V, va. Allez, une petite info, histoire de se remettre de toutes ces émotions là, de la compagnie du théâtre du Plateau Ivre, cette fois avec son appel à contribution. Vous avez des souvenirs de fêtes populaires, bal du village, bal des pompiers, bal des débutants, kermesse, etc. Eh bien, vos anecdotes, souvenirs réels ou fictifs seront les bienvenus dans le cadre de l'équinoxe de printemps 2021. Faites-les parvenir vos anecdotes de manière écrite avant le 6 mars et tentez de gagner de nombreux lots dans les catégories informelles suivantes: insolite, horrible, effrayant, comique, tendre, pompeux, goulayant, incroyable, fortuite, métaphysique, sobre, etc. Envoyez vos contributions à théâtrophone.leplateauivre@gmail.com avec les indications équinoxe de printemps, le théâtrophone du Plateau Ivre. Waouh, est-ce que t'en as des anecdotes? Non. Oh, zut. Désolée. Zut. Du coup, le 21 mars, c'est bien sûr rendez-vous, découvrez le théâtrophone du Plateau Ivre où les comédiens vous appelleront depuis le théâtre de Verdure pour vous raconter ces histoires autour de la fête populaire. C'est génial, c'est trop insolite comme idée. T'as envie de te changer les idées, boum, on te raconte une histoire. Ça doit être... moi, je trouve que c'est cool. Il reste également des places pour les stages de sensibilisation au théâtre à Gérardmer le 1er et 4 mars 2021 pour enfants et adolescents. Pour tout renseignement, contacte la mairie de Gérardmer, auditeur, et retrouve les infos sur www.leplateauivre.com. Est-ce que ça te plaît, le théâtre, Mélissa? Ah non, pas trop. T'es difficile, hein. J'en fais pas, mais regardez, ça me plaît, oui, mais ouais. Moi, en faire, non. Oui, il va falloir attendre un petit peu. Oui, voilà. Je pense que voilà. Donc, c'est quoi quand même ton meilleur souvenir? Je sais pas, t'as pas une petite anecdote sur les coulisses de l'élection Miss Vosges, Miss Lorraine, Élégance? Comment ça, une anecdote comment? Je sais pas, celle que tu veux, un truc rigolo, un truc... C'est quoi ton meilleur souvenir, par exemple? Bah, un truc rigolo, je peux vous raconter le discours à Miss Élégance Vosges. C'est vrai que j'étais encore pas trop à l'aise. En fait, il demandait le présentateur les passions, parce que j'étais deuxième, donc je passais après, et je me suis dit, bon, je vais pas savoir quoi dire en passion, donc je lui dis direct que je fais du ping-pong, comme ça, il me pose pas la question. Donc je lui dis, oui, je fais du tennis de table. Donc déjà, il me dit, oui, le tennis. Je lui dis, non, tennis de table. Il me dit, à part ça, t'as d'autres passions? Donc je dis bah non, et en fait j'ai dit manger, et ça a fait rire toute la salle. J'étais trop mal à l'aise, je me suis dit bon, super, et du coup voilà. Bah, c'est génial, c'est génial. Moi je trouve que c'est une bonne anecdote, et puis c'est génial, c'est une vraie passion de manger, moi je suis d'accord avec oui, toi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, eh ben, ça tombe bien, tu me lances encore une perche, je crois que eh bien c'est le moment du dessert justement. Est-ce que t'es prête? Oui. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, bonjour Lia. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette sans sucre et sans gluten. Et pourtant, il s'agit bien d'un dessert. C'est le gâteau pomme-banane et son caramel d'orange façon tatin. Pour ce faire, nous allons commencer par le caramel d'orange. Pressez 4 oranges à jus que vous mettez dans une casserole. À feu moyen et sous une surveillance constante, laissez réduire le jus jusqu'à l'obtention d'un caramel. L'opération peut prendre entre 5 et 8 minutes. Laissons notre caramel dans la casserole et passons à la découpe des pommes. Pour un moule rond d'environ 26 cm de diamètre, il nous faudra 5 pommes moyennes. Épluchez-les et coupez-les en lamelles assez épaisses, histoire d'avoir de la mâche. Et sans plus attendre, envoyez les lamelles faire un petit tour dans le caramel. Une fois bien enrobées, placez-les joliment dans le fond du moule et versez le reste de caramel. Il ne nous reste plus qu'à faire la pâte qui recouvrira nos pommes. Dans votre saladier, versez 50 ml de lait de soja et 50 ml de jus d'orange pressé, auquel vous ajoutez 30 ml d'huile. Dans un bol, écrasez 2 bananes bien mûres et ajoutez la purée de bananes à la préparation précédente. Place maintenant au mélange des farines. Pour réussir un gâteau sans gluten, le secret, c'est de mélanger au moins 3 farines différentes. Aujourd'hui, je vous propose de mettre 30 g de maïzena, 30 g de farine de riz et 30 g de farine de sarrasin. Pour finir, 6 g de levure sans gluten. Une fois la pâte lisse et homogène, versez-la sur les pommes avant d'enfourner le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée moyenne de 16 minutes. Bien sûr, cela varie selon votre four. Comme pour un gâteau classique, la dorure est un bon indicateur de cuisson. Après refroidissement, il n'y a plus qu'à démouler et à profiter de ce bon gâteau, bon pour la santé et bon pour les papilles. Merci à vous, au revoir. Merci Anne-Sophie, c'est tellement un plaisir d'entendre ta voix, tu nous fais saliver à chaque fois. Qu'est-ce que t'en as pensé, ça te donne faim? Ah bah c'est sûr, ça a l'air bon. En tant que gourmande. Bah voilà. En plus, c'est bon pour la santé, c'est sain, c'est vegan, c'est on respecte la nature, c'est génial. Oui, parfait. Puisqu'on est dans les recettes, est-ce que t'en as une pour avoir une beauté éclatante comme la tienne? Moi, je suis admirative de tes cheveux, quoi, par contre, hein. Ah, bah là, ils sont bouclés, c'est pas mes cheveux naturels, hein. Ah, ça, faut pas le dire. Oui, j'aimerais bien les avoir comme faut ça. Faut pas mais... le dire. Qui t'a coiffé avant? Bah, c'est moi. C'est pas vrai. Bah, c'était un don. Parce que moi, j'essaye de faire ça ressemble pas du tout à ça, hein. Bah, j'ai pas ce résultat. C'est le boucleur Babyliss. Ah bah voilà, tout dans le boucleur. Voilà. Du coup, est-ce que t'as une recette à bien à toi de beauté, un petit rituel? Bah pas spécialement pour les cheveux, je mets de l'huile de coco des fois avant d'aller à la douche, et après je rince et voilà. Tu prends le conseil cheveux. Jean. Oui, il a les mêmes cheveux que toi, t'avais mais pas bouclé. L'huile de coco, hop. Et pour le teint? Pour le teint, c'est des crèmes. J'ai beaucoup de crèmes bio et vegan. J'essaie de mettre. Enfin, je fais attention déjà, voilà, à l'environnement et à ce que je mets sur le visage. Ça. Oui, c'est vrai. Il faut regarder la composition pour voir si ça n'a pas été testé sur les animaux. Faites attention chez vous. Et pour le cœur, c'est quoi la recette de beauté? Non, ça c'est la question piège. Mais tu sais, il y a une vraie technique qui dit que tu dois mettre tous les matins un stylo bien au fond de ta bouche pour justement t'entraîner à sourire. Tu te regardes et ton cerveau, voilà, reçoit un message et c'est super bon pour ton humeur. Ah ouais. Donc même si tu te forces à sourire, sache que c'est bon pour ton esprit. Voilà, c'était le petit conseil du moment. Ça rend beau de sourire. Bah voilà, c'est tout sourire. À fait ça. C'est tout à fait ça. Tu as donc été élue Miss Élégance Lorraine il y a quelques temps. Comment ça se passe une fois cette élection remportée? Est-ce qu'on a le droit à une vie privée? Ça, c'est la vraie question que je me suis posée, parce que il me semble que chez Miss France, on n'a pas trop le droit. Tu sais, on doit être célibataire, sans enfant, etc. Est-ce que c'est pareil là? Bah, c'est vrai que Nadège, elle m'a demandé de faire donc une page Facebook pour avoir voilà le côté Miss et le côté privé. Donc sur mon compte privé, voilà, je mets un peu ce que je veux, mais oui, c'est voilà, c'est les amis proches et ceux qui veulent vraiment suivre mon aventure, c'est la page. Après, au niveau d'être célibataire, non, il y a rien qui est imposé, donc oui, ça va. Parce que j'imagine que c'est pour éviter les conjoints jaloux, hein, parce que quand tu te balades en maillot de bain, peut-être oui, que le conjoint n'est pas d'accord. Je pense que c'est pour ça, mais bon, voilà, ça me turlupinait comme question. Du coup, tu prépares le concours national, donc Miss Élégance France. Donc tu as dit qu'il était reporté, ça serait sûrement en avril. Sûrement, oui. Ça se passe où? À Dax, donc dans le sud-ouest. Oh, c'est génial, ça. Ouais, en plus, l'hôtel, il est vraiment magnifique. Hôtel 4 étoiles. On va être vraiment bien reçus. On peut venir? On se glisse facilement, t'inquiète pas. Une fois que ce concours est remporté, imaginons que tu deviennes Miss Élégance France. Comment ça se passe? La prochaine étape, c'est international? Donc oui, il y a des concours internationaux. En plus, on n'a même pas besoin forcément de remporter le titre de Miss Élégance France. Ils en choisissent toujours quelques-unes. Donc il y a Miss Globe, Miss Earth, Miss Tourisme International. Donc voilà, il y a quelques concours comme ça internationaux où on part représenter la France, en fait. D'accord. Et donc ça dépend des critères. Ils peuvent sélectionner des personnes qui ont même pas, par exemple, été sélectionnées dans les 10. Ça dépend vraiment, en fait, des critères que le concours demande. Et... D'accord. Du coup, c'est quoi les critères? Je sais pas du tout. Ah oui, c'est vous êtes prise au dépourvu. Ils nous demandent quand même notre avis d'après ce qu'ils nous ont dit. Ils nous demandent si voilà on veut partir et si on veut bah voilà c'est on y va. Et toi? Pour le moment j'en suis pas encore là, mais je pense que oui, je partirai avec grand plaisir. Comment on fait pour te soutenir? C'est passé là. C'était, il y avait les votes qui étaient ouverts jusqu'au 11 février. Mince. On devait faire l'émission avant en même temps, mais excuse-moi, j'étais pas très en forme ce jour-là. Oui, pour ça, c'est pas grave. Mais en fait, ça se passe 50-50. Donc, il y a eu les votes, voilà, du public à 50%. Et donc, une fois que je serai sur place pendant la semaine justement de présélection, ils vont regarder donc comment on se comporte. On passe devant un jury de présélection. Donc voilà, on va défiler, on se présente. Et donc, le jury de présélection, ils vont choisir 10 candidats favorites qui seront révélés que le soir de l'élection. Mmh. Et donc le soir de l'élection, après le jury qui sera présent sur place va choisir les 5 finalistes. C'est la pression là pour le concours France? Un petit peu. Bah là, comme ça paraît loin, ça me fait pas trop stresser pour l'instant. Mais c'est vrai que quand j'y pense, il y a la petite boule au ventre quand même. Bah oui. Donc une semaine de préparation sur place. C'est ça. Waouh, c'est incroyable ça. Apparemment oui, c'est très intense parce qu'on doit apprendre voilà les chorégraphies et c'est pas le même niveau que bah voilà en départemental ou régional, parce que là vraiment bah la chorégraphe c'est la chorégraphe du Roi Lion, donc qui fait les chorégraphies Disney. Ah oui. Et tout ça. D'accord. Néola Dutrèche, donc oui. Bah, tu viens ici tous les jours, on va te faire une chorégraphie, nous, hop, on t'entraîne, impeccable. Ouais, bah, là, ça va être intense. Après, à côté de ça, bon, il y a quand même des moments. Bah, normalement, il y a des sorties, mais là, on sera dans une bulle sanitaire, on sortira pas de l'hôtel. Donc, il y aura des activités à l'intérieur où il y a la piscine, tout ça. Donc, c'est super. Des moments de détente. Voilà. Est-ce que tu vas avoir le droit au petit test avant, peut-être? Oui, avant de partir, on va devoir faire un test. Donc, comme ça, après, voilà, on sera toutes négatives sur place, il y aura pas de souci. Est-ce que c'est vraiment ton but de le remporter, ce concours, la France? Le remporter, non, parce que vraiment, je suis déjà très heureuse du parcours que j'ai fait. Je pensais jamais en arriver là un jour. Mais là, mon objectif, c'est au moins donc, de passer les 10 demi-finalistes. Ok, super. Parce que c'est vrai que ma famille veut quand même venir me voir, donc il y aurait à peu près 10 heures de route. Donc en fait, si je suis pas dans les 10, je vais être éliminée quasiment tout au début. Donc ça m'embête pour eux de pas aller plus loin, quoi. D'accord, ok. Parce que ça se fait au fur et à mesure? C'est ça. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu Miss France, en fait c'est un peu le même principe. On fait toutes les chorégraphies, les 3 premières, tout le monde sera là. Après, donc au bout de 3, je crois que c'est 3 chorégraphies, ils ouvrent les enveloppes. D'accord. Donc ils présélectionnent les 10. Après, donc voilà, un autre tableau avec les 10 et après donc les 5. Ok. Est-ce que tu auras de nouveau un discours à faire, une présentation? Oui, mais pas le jour J. En fait, ça sera des présentations enregistrées qui passeront donc sur un grand écran. Et donc voilà. Tu vas avoir la grande chance de te voir. Mmh. Et après, je crois que c'est quand même les 10. On doit parler, ils nous posent une petite question et on doit répondre. Mais voilà, on parle, c'est très rapide, mais on parle quand même. Est-ce que c'était un vrai rêve d'enfant pour toi de participer? Est-ce que depuis toute petite, tu t'es dit un jour je ferais un concours de beauté ou pas du tout? Non, franchement, pas du tout. Comme je le disais, voilà, je pense que c'est le rêve de toutes les filles. Un jour, on y a toutes déjà pensé, mais je pensais jamais que ce serait à ma portée. Donc, oui, pourquoi ça? Bah, je sais pas du tout. Je me voyais pas du tout faire ça, en fait. Bah, tu es magnifique. Ah bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de participer ensuite à d'autres concours? Est-ce que ça t'a piqué, ça t'a donné la fibre? C'est vrai que depuis, bah là, c'est vraiment je peux dire une passion, parce que j'ai vraiment aimé. Après, pourquoi pas d'autres comités, je verrai ce qui s'offre par la suite, mais pourquoi pas, oui. C'est un petit peu plus souple. J'ai vu quelques conditions pour participer à l'élection Miss Élégance. Oui. Déjà, on peut ne mesurer qu'un mètre 65. C'est ça. Et ça, c'est quand même sympa. Bah, ça représente plus les femmes de tous les jours, je trouve. Oui. C'est pour ça que je préfère vraiment le comité là. En plus, il n'y a pas de critères de poids. C'est vraiment... D'accord. Je trouve que c'est plus convivial et... Oui. On se posait une grande question existentielle. Voilà, on va te la poser. On l'a posée en off, mais on veut que nos auditeurs soient aussi au courant. Est-ce que ça existe une élection comme la tienne, enfin comme Miss Élégance pour les hommes? Oui, il y a 12 comités pour les hommes. Après, je connais pas trop, mais je sais qu'il y a Mister Chic déjà Grand Est, parce que j'ai défilé avec eux, donc c'est pour ça que je connais. C'est quoi Mister Chic? Bah, chic. C'est quoi ce nom? Bah, c'est ouais, chic, classe. Ah, quoi. Moi j'étais dans la chic, alors j'étais pas dans le chic du tout. Moi je suis anti-glamour. Ok, Mister Chic, ok. C'est ça. Pour ne pas dire Mister Glamour, Mister Sexy, Mister Chic, ok. Voilà, c'est ça. Grand S, et puis il y en a d'autres? Les autres, je connais pas du tout. C'est vrai que c'est pas un milieu qui m'intéressait de base, donc oui, je connais pas forcément, mais je sais qu'il y a déjà celui-là. Est-ce que t'as des conseils à donner aux jeunes femmes ou peut-être aux jeunes hommes qui aimeraient un jour se présenter à ce genre de concours? Oui, bah déjà que si l'envie est là, il faut pas hésiter, il faut se lancer et qu'il y a rien à perdre dans tous les cas, même si voilà, elles sont pas élues, on peut se représenter après. C'est pas un échec, ça reste une belle expérience et voilà, ça permet d'acquérir plus de confiance en soi et c'est voilà, si elles ont envie qu'elles le fassent quoi. Bah c'est beau ça. Merci. Est-ce qu'il y a une transmission de fait avec celles qui te succéderont, par exemple Miss Vosges et Miss Lorraine et inversement, est-ce que toi, t'as été coachée par l'ancienne Miss Élégance Lorraine, par exemple? Oui, donc là, normalement, quand l'élection se passe, moi, je suis censée être là pour remettre la couronne. Mais cette année, d'après ce que Nadège m'a dit, je pense qu'il n'y aura pas de Miss Élégance Vosges. Oui. Parce que les conditions sanitaires, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais pour Lorraine, je serai là et voilà, je remets la couronne. Et après, bah voilà, si elles ont besoin de conseils les prochaines, oui, je serai là pour, oh, c'est chouette. Pour les aider. T'as une couronne? Oui. Et t'es venue sans? Oui, non, tu repars. C'est vrai que je l'ai pas mis. Est-ce qu'elles sont belles? Tu les gardes après? Oui, je les garde. Elles sont très jolies. Ouais, celle de Miss Élégance Vosges, c'est en plaqué or, couleur comme ça. Bah, je crois que j'ai des photos, je pourrais vous montrer. Ah, et celle de Miss Élégance Lorraine, argentée, donc avec des petits strass et tout. Elle est vraiment jolie. Ouais. Bon, si tu es élue Miss Élégance France, fais-moi le plaisir, tu reviens avec la couronne. Ah, surtout qu'elle est magnifique. Là, on a eu les photos. Elle est vraiment belle, hein. Deal. Comment? D'accord pour. Oui. Okay. Bah oui, pas de souci. Attention, je te prends au mot. On fera une petite photo parce que t'as quand même une belle écharpe. Ça aussi, tu la gardes, c'est génial, ça fait un super souvenir. Oui. Oh, oui. C'est bien ça. C'est bientôt la fin de cette émission. C'est passé à toute vitesse, 12h51. Auditeur, j'espère que t'es en pleine forme, que t'as passé un super bon moment avec nous. Moi, en tout cas, j'adore ce moment. Merci beaucoup à toi, Mélissa. Merci tu es à vous. Très jolie et très gentille en Merci plus. Beaucoup. C'est super. Donc, je te sors mes derniers disques chouchous avant mes dernières questions. Il s'agit d'I Love You d'Angelo Bond. Je vais y arriver. Tu verras, c'est un titre magnifique. Et Don't Blow You Top. Bah, désolé, j'ai pas encore bossé l'accent anglais, mais un jour ou l'autre, ça viendra. Ça viendra. À tout de suite. to have the real adventure. Like some tacky little creep. Really dig her, she's so freaky. What you want, my one only. Took my stash and left me lonely. Don't you blow your top. I know I'm not. Bienvenue dans l'univers complètement déjanté de Radio Kemozo. Ce son était fou. Indi. Oui, ça donne envie de bouger. Ah bah voilà, je te dis, on va faire des chorégraphies d'enfer, moi j'en suis sûre. Tu es au bon endroit, auditeur, tu es dans l'odeur du son sur Radio Kemozo. Je te livre mes dernières infos du jour. C'est le moment de sortir ta loupe et d'enfiler ton costume de Sherlock Holmes, car le musée départemental d'art ancien et contemporain de la ville d'Épinal a sorti son premier escape game en ligne dans Trésor du Mudac. Fouiller, chercher, interroger, bref, mener l'enquête pour découvrir le trésor du musée. Ça se passe sur https://trésordumudac.vauge.fr. C'est plutôt sympa, tu peux directement taper musée d'Épinal, je pense que tu trouveras le lien pour y aller directement. C'est sympa pour s'amuser durant les vacances. Et une autre info, si tu es en manque de culture, tu vas bientôt peut-être sombrer dans une folie profonde. Eh bien, pas de panique. Le samedi, moi, c'est déjà fait. Oui, je sais, mais c'est pas grave. C'est pour les autres. Le samedi 27 mars, un poste de secours culturel est mis en place sur rendez-vous au centre Léo Lagrange. Comment ça marche? Eh bien, tu n'as qu'à prendre rendez-vous. Ça se passe au 06 88 47 89 29 ou sur postedesecoursculturel@gmail.com. Une action portée par le collectif Réseau d'être. C'est pas mal, ça. C'est super, oui. Ouais, il y a plein d'alternatives, c'est génial. Malgré tout ça, eh ben, on arrive à faire des choses. Et c'est ça qu'il faut retenir. Oui, il faut, parce que sinon, à force de rester enfermé. Ben voilà, voilà. Quels sont tes projets, Mélissa? Futur, genre. Bon, ce que tu veux. Bah, projet futur, j'aimerais bien être notaire, donc au niveau de la carrière. Là, l'année prochaine, donc si tout va bien, je passe en troisième année. Mm-hmm. Et après, donc voilà, j'aimerais bien faire un master notariat. Je suis prise et voilà. Bah on te le souhaite. On te le souhaite. Si on veut te suivre et suivre le concours sur les réseaux, ça se passe où? Alors moi j'ai une page, c'est Mélissa Stark, donc Miss Élégance Lorraine 2020, Miss Élégance Vauges 2020. Ok. Bon. Et il y a la page du comité Miss Élégance France, donc sur Facebook. L'élection sera diffusée en direct, donc le soir de l'élection. Et donc sur Instagram, c'est Miss Élégance France et moi c'est Stark Mélissa. Et ben voilà, plus d'excuses pour ne pas suivre tout ça. Merci beaucoup Mélissa d'être venue aujourd'hui dans cette émission. Moi j'ai passé vraiment un super moment avec toi, j'étais ravie de te rencontrer, on a bien rigolé, il y avait une bonne ambiance. Oui. Et ça fait du bien. Merci à vous et pour l'invitation, c'était super. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Bah, d'être dans les 10 demi-finalistes. Allez. Et d'avoir mon année. Et ben voilà, super. Auditeur, eh bien, on te laisse avec la suite des programmes sur Radio Kemozo. On te souhaite une très très belle journée ensoleillée. Presque. Allez, on se dit ça comme ça. Prends bien soin de toi, prends bien soin des autres. Allez, kiss.